Chapitre 4. Cinq jours plus tard, sous la direction de Frau Helena, Elsa prenait place dans un compartiment réservé de deuxième classe avec une demi-douzaine de jeunes femmes engagées, elles aussi, comme employées par von Hedemann, dont la tenue, les rires, les libres propos firent que la jeune femme se rencogna dans l'angle qui lui avait été dévolu, telle la faisane réfugiée au milieu de la basse-cour. Le voyage qui, en temps ordinaire, n'eût demandé que quelques heures, exigea toute une journée. Et il était 11h30 du soir quand Frau Helena, sur un quai désert, frappa, sur un rythme spécial, à une porte sous laquelle filtrait un filet de lumière. La porte s'ouvrit sur un large et banal couloir d'hôtel meublé. Un robuste gaillard au teint coloré dévisagea les arrivantes. « Ah, c'est vous, Frau Helena, » dit-il, « bonsoir. »« Bonsoir, mein Herr von Hedemann. Je vous amène le lot promis. Y a-t-il quelqu'un, là ?»« Oui, quelqu'un est là, avec d'autres, » dit von Hedemann. « Et ils ne s'ennuient pas, vous savez. »« Si l'on peut me recevoir, j'en serai contente. »« Oui, oui, bien sûr. » »« Et l'on va conduire ces demoiselles à leur chambre. »« Et Jacob ?» Jacob arriva. C'est un colosse au poil roux, à la mâchoire de dogue, qui rit à la vue du troupeau effaré des jeunes femmes. « Amenez-vous, » dit-il en montrant l'escalier. « On va vous montrer votre poulailler. Vous vous habillerez tout de suite et vous descendrez. » Elsa regardait avec un effarement magnifiquement joué les deux hommes, Frau Helena et ses compagnes. « Mais, balbutia-t-elle, m'habiller comment, pourquoi »« Laisse-la tranquille, celle-là, Jacob, » commanda Frau Helena. « Ou quelqu'un pourrait bien te prouver qu'il n'aime pas qu'on bouscule ses protégés. »« Ah, je... »« Dans ce cas, mille excuses, » dit von Hedemann. « Conduis mademoiselle dans la chambre bleue. Elle y restera tant qu'elle voudra. » La chambre bleue était assez propre, mais odorait terriblement le punch, le cigare et le vin. Elsa ouvrit la fenêtre, ferma les rideaux, éteignit la lumière et demeura là, l'oreille tendue, les nerfs frémissants. La fenêtre donnait sur une cour intérieure à toiture vitrée. À travers les longues vitres empoîtrées de poussière, mais assez claires pour que l'on pût voir au travers, elle distingua une vaste salle au luxe criard, violemment éclairée, où des officiers allemands, le verre en main, le cigare à la bouche, jouaient aux cartes. Tout à coup, il y eut un éclat de rire. Un jeune officier, qui titubait un peu, fut poussé au milieu du cercle formé par ses camarades, en même temps qu'une jeune femme, très brune, en qui ils a reconnu l'une de ses compagnes de voyage. Elle était très décolletée dans une robe de velours rouge et avait une cigarette à la bouche. « Ah, les goujats !» murmura tout à coup Elsa, qui, fermant la fenêtre, alla pousser le verrou de sa porte et s'étendit toute vêtue sur son lit. Elle vécut 3 jours dans ce logis infâme qui jamais ne fermait ses portes. Bon gré, mal gré, malgré ses nausées. Elle dut prendre tous ses repas, 2 jours durant, en compagnie de malheureuses qui ne lui épargnaient ni les propos railleurs, ni les plus basses plaisanteries. Enfin, au matin du 3e jour, elle vit arriver Jacob dans sa chambre. « Faites vos mal, savez-vous » dit-il, « on va vous emmener. »« C'est bon, » dit Elsa sans paraître surprise. Elle était déjà prête, sa toilette faite. En 5 minutes, sa valise, sa malle furent bouclées. Elle descendit dans la salle du cabaret, où se tenait, debout, avec von Hedemann qui lui parlait, dans une attitude respectueuse, un petit homme, brun, replet, borgne de l'œil gauche, mais dont l'œil droit clair, perspicace et dur, était un homme de tête et d'action. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il en hollandais en s'adressant à Elsa. « Vous êtes bien Anna von Grotters, envoyé par notre bon ami Berzelius ?»« Oui, monsieur, » répondit Elsa, en hollandais, elle aussi. « Je me nomme Peter von Loos, ancien sergent à la Légion étrangère à Java. » Elsa se sentit frémir jusqu'au fond des moelles, tandis que l'homme poursuivait. « Attaché au service des renseignements du corps d'occupation, avez-vous déjà vu quelqu'un des nôtres ?» Il avait appuyé sur quelqu'un. « Non, personne, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Venez. » Devant la porte, une vieille ailée d'auto grise stationnait. C'était une espèce de limousine à l'apparence démodée, mais dont le moteur puissant tournait régulièrement. Un soldat, coiffé d'un calot gris vert à bandes rouges, était au volant, et Jacob achevait de boucler la malle derrière la voiture après avoir placé la valise dans l'intérieur. « Montez !» dit Peter von Loos. Elsa obéit, s'assit. « Ya !» dit simplement l'homme en s'adressant au soldat dont l'auto démarra aussitôt. Alors, penché vers Elsa, son compagnon dardant sur elle son œil unique, au regard pénétrant, dit à mi-voix « Vous avez déjeuné il y a 3 mois, avec 4 personnes que je connais bien. Le général N, le colonel James H, le colonel Van M et le colonel de B. Je servais à table. Et je vous ai bien repéré. Il y a un mois que je vous attends, Miss Van Legels. »